Bonjour tout le monde, vous écoutez Sous Pression aux ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto. Et si vous êtes à Yellowknife, vous nous écoutez à partir du CIVR 103.5 FM, la radio Otaga, une bonne radio francophone dans le Grand Nord canadien. Je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Moi, je m'appelle Mathieu et je vais faire jouer du punk, du ska, du hardcore tout en français. On a commencé l'émission avec le groupe Camionneur du Suicide, la chanson La Java des bons enfants, dirée de l'album du même titre, sorti il y a plusieurs années. C'est un groupe qui a sorti, je pense, en 2010 ou 2011. Un nouvel album qui s'appelle Bonne Soirée, mais cet album-là, c'est un peu plus vieux, ça date d'un peu plus longtemps. Après ça, je pense que je vais faire continuer en musique avec une tune par les Ordures Organiques, la chanson Héritage, l'album Se Soulage, et les Parkers après ça avec la chanson L'Effronté de l'album Foutu Merdi. Alors, sans trop tarder, on va continuer en musique avec les Ordures Organiques, la chanson Héritage tirée de leur album Se Soulage. Alors voici les Ordures Organiques, ici à Sous Pression. Nous avons resté des années, toujours ensemble, on a chanté, on y poursuit. C'était l'Épargée, la chanson L'Effronté de leur album Foutu Merdier. Ici, à Sous Pression. Avant ça, on écoutait Les Ordurianiques, la chanson Héritage de leur album Se Soulage. Alors, je continue en musique. J'ai pas grand-chose à ajouter, à vous dire. Sauf que je vous promets que les prochaines 45 minutes, plus ou moins, de l'émission seront excellentes. Je continue avec du Street Kids, la chanson Dégoût de leur album Back in the Days. Après ça, peut-être du Streets of Rage, la chanson Doggy Dog de leur démo sortie en 2011. Leur démo Level 1 qui est disponible à partir de leur site web. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Et c'est ça. Je pense que Streets of Rage planifie de sortir un split avec Enraged Minority. Ils ont déjà, je pense, sorti une couple de chansons qui seront sur le split, si je ne me trompe pas. Vous pouvez les trouver en ligne parmi les chansons. Je pense qu'il y a une chanson qui s'appelle moi, je ne me rappelle plus, Rude Boy, quelque chose de même. En tout cas, c'est un excellent groupe. Leurs tunes sont bonnes, puis c'est ça, je vais faire jouer une de leurs chansons, de la chanson Doggy Dog. Mais avant ça, la chanson, le groupe Street Kids, la chanson Dégoût, ici à Sous Pression. moi tout ça avec une poignée de gravier. Montre-leur qui en est à ces bâtards. Les chiens mangent les chiens. On en prend plein la gueule, jour après jour, plein la gueule. On fait quoi? On baisse la tête, on la relève, on sent les crocs. Fais ton choix, nous c'est réglé, on nous prend pour les chiens. Bah on va mort, on a la rage. Fini dans notre jour. Salut, vous écoutez toujours Sous Pression, aux ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'écouter du Gerbia, la chanson Pense pas, de l'album Pélado au bûcher. Avant ça, c'était du Chicken's Call, la chanson Maintenant ou jamais tirée de leur album du même titre. Et Streets of Rage avant ça avec Dog Eat Dog de leur démo Level 1. Et on a commencé le dernier bloc avec du Street Kids, la chanson Dégout de leur album Back in the Days. Et comme on est rendu à mi-chemin de l'émission, c'est la tradition que je vous rappelle que l'émission Sous Pression a un site web. C'est souspression.wordpress.com, le www.souspression.wordpress.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web. On la met en ligne à chaque semaine. Comme ça, vous pouvez l'écouter, la télécharger comme vous voulez. Et on a aussi une présence sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Vous pouvez aller aimer l'émission, vous tenir à jour sur ce qui se passe pour l'émission, dans l'émission Le Monde de Sous-Pression, bien sûr, le monde du punk, du guide, du hardcore francophone. Et aussi, on a une adresse courriel souspression@commercial.chry.fm, souspression@commercial.chry.fm. Si vous avez des demandes spéciales, des commentaires, des plaintes, n'importe quoi, vous voulez me dire bonjour, me dire que j'ai une voix sexy. Vous pouvez même faire ça. j'ai l'air d'un cave. Alors c'est ça, avant que je me fasse un peu beaucoup plus honte, je continue en musique, une chanson par GURP, la chanson Manifestation de leur album Invasion amphibienne. Alors voici GURP, c'est à Sous Pression. Ça s'est passé à Québec, que ça sentait pas trop correct, que c'était plein de politiciens. Lors de la chute du mur, dans la police sûre, plein de manifestants se sont fait brimer leur liberté, la liberté de savoir. que la famille ont perdu une part de leur vie. Le père de la ville, oui, t'as c'est des conneries. Il ne veut surtout pas faire allusion. On reste une volume qui prend le bus. Assassiné, l'artistique perdu en liberté. Qui ont conduit, prévu à la mort. Bienvenue à Montréal, non. Ce soir, des gens ont voulu manifester leur colère et ça a dégénéré. souviens-tu encore la commune et couronne, il flottait le drapeau noir au milieu du boulevard. C'était autour du feu, on se sentait heureux, on faisait des méchouilles un peu toutes les nuits. Souviens-tu encore de ce concert sauvage de la rue des vilains? Ils s'en foutent ces Romains. On se couchait à l'aube, on se levait le soir, on décourait notre zone et on chantait victoire. Te souviens-tu encore de ce petit bar squatté? On n'avait pas le temps de l'appeler l'infamé. Et quand un car passait, tout le monde s'y mettait. Le coffre n'était pas net, c'est une pile de canettes. Quelque part dans la Gaule, un petit squat résiste. On y voit de la gnôle, son promoteur Tourix. Maintenant qu'il n'y a plus rien, on n'en regrette rien, car il poussera demain des squats comme des petits pains. Tous les mal logés, il y a un comité. Et même dans ton quartier, il y a de quoi squatter. Pour tous les mal logés, il y a un comité qui défend le quartier, les promoteurs sans cœur. Ainsi squat-il sans droit ni titre, ainsi squat sans toi ni moi, ainsi squat-il souvent fauché, ainsi squat toujours martelé. Like. Ah bon, on vient d'écouter du banlieue rouge à l'est de Berlin, de leur album En attendant demain, ici à Sous pression. Avant ça, c'était du Beru avec Ainsi squat-il de leur album Souvent fauché, toujours marteau. OTH avant ça, de la chanson Sauvagerie de l'album du même titre. Je pense que c'est la première fois que je fais jouer du Sauvagerie ici à Sous pression. C'est un bon groupe, je suis bien content d'en faire jouer, un bon vieux groupe. Du Marabout avant ça avec Crépuscule, leur nouvelle chanson tirée de leur split avec Stomper 98. Les Loubards avant ça avec 2003, La Gâchette avec Villanueva, et on a commencé le tout avec Manifestation par GURP de leur album Invasion Amphibienne. J'ai aucune idée ce que ça veut dire, GURP. Je vais peut-être le savoir un jour, je sais pas, mais en ce moment, je sais pas. Si jamais j'apprends ce que ça veut dire ou d'où ça vient le nom, je vous promets que je vais vous le dire. Alors c'est ça, l'émission tire à sa fin. On a le temps de faire jouer une dernière chanson par Barbie Génocide. Je vais vous présenter cette chanson-là, Triste Réalité. Mais on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera en direct l'émission. Parce que les trois dernières semaines, les deux dernières semaines et cette semaine, c'était des émissions préenregistrées. Le petit secret de la magie de du monde de la radio. Et c'est ça. Je retourne à mes petites vacances et je serai avec vous en direct la semaine prochaine. Ici à Sous pression. Alors voici Barbie Génocide. Passez une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.